T'ho viu mar sentat una pedra, sentat d'un arai, i sentim a barcarola criar d'ofegar esta melodia. Tinha crista i vaga d'esta vaga història d'arte marinheira, Lusiana prata mais rica, mais rica, mais rica que havia, e aquel pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia. Marzia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. O maior mar interior continental do mundo é o Mediterrâneo. Está localizado entre a Europa do Sul, o Norte da África e o Médio Oriente, e tem uma área de 2,5 milhões de quilómetros quadrados. Ao ocidente, tem comunicação com o Oceano Atlântico através do Estreito de Gibraltar. Ao oriente, é limitado pelo Estreito de Bósforo. O termo Mediterrâneo significa entre as terras. Os antigos romanos chamaram Mare Nostrum, que significa nosso mar. Desde a antiguidade, o Mediterrâneo foi zona importante de contactos comerciais e culturais. Nas suas margens floresceram civilizações importantes como os egípcios, fenícios, gregos, cartagineses, romanos, genoveses e venezianos. Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mille jardins lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuage, au ciel enchanté, Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée. Au clair de lune, entendez-vous dans le lointain, comme un écho qui sur les vagues s'achemine. Entendez-vous le gai refrain des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuage, au ciel enchanté, Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée, Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuage, au ciel enchanté, Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée, Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuage, au ciel enchanté, Méditerranée, c'est une Mediterrâneo Oriental situa-se Israel, onde existe o Lago Salgado de Tiberíades, que se encontra a 250 metros abaixo do Mediterrâneo. Em Israel encontramos o importante porto de Haifa, onde esteve restado nos anos 60 o navio de passageiros Angra do Heroísmo, que via a ser adquirido pela portuguesa Empresa Insulana de Navegação. Navegando para norte, entramos no Líbano, onde a capital Beirute é a cidade mais populosa e alberga também o porto mais movimentado do Mediterrâneo Oriental. Para além deste, existem ainda os portos de Tripoli e de Sidon, este um importante terminal petrolífero. Na Síria, destacam-se as cidades portuárias Latakia, com o maior porto do país, e Tartus, importante porto de exportação do crude. Continuando a navegar para norte, chegamos à Turquia, um país euroasiático, com as cidades de Adana, Issel e Antioquia, nas margens do Mediterrâneo. A 64 km da costa turca, situa-se Chipre, a ilha mais oriental do Mediterrâneo, com os importantes portos de Limassol e Famagusta. E eis-nos agora a navegar junto à Grécia, com a ilha de Creta, a maior ilha da Grécia a sul, e o seu porto de Heraklion. Rumamos ao Pireu, o maior porto grego próximo de Atenas. Mais para norte, fica o importante porto de Salónica, no Golfo Térmico. Navegando para o Ocidente, temos Itália à vista. Os seus maiores portos são Génova, Augusta, Taranto, Trieste e Veneza. Ao largo de Nápoles, admiramos agora a ilha de Capri e as suas maravilhosas praias. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire c'est à la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas qu'il retournerai un jour. Cabrio, c'est fini. Et dire c'est à la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas qu'il retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire c'est à la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas qu'il retournerait un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'est à la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas qu'il retournerait un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai le premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'est à la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas qu'il retournerait en jour. C'est fini. Edith, c'est à la ville de mon premier amour. Caprio, c'est fini. Je ne crois pas qu'il retourne. Oh, Caprio, c'est fini. Edith, c'est à la ville de mon premier amour. Caprio, diante da ponta sul de Itália, encontramos Sicília, a maior ilha do Mediterrâneo. A segunda maior ilha deste mar Mediterrâneo é a italiana Sardenha, com a Córsega logo a norte. Atravessamos agora o Mediterrâneo rumo ao sul. Na costa egípcia, avistamos Port Said e Alexandria, dois importantes portos. Bordejando a costa, navegamos dentro dos portos de Benghazi e Tripoli, na Líbia. Para o ocidente, avistamos as cidades portuárias tunisinas de Sfax e Tunis, com belíssimas praias de Permeio. Ainda mais para o ocidente, e antes de chegarmos à cidade portuária de Ceuta, que foi portuguesa de 1415 até 1668, passamos os portos de Argel e Ourão, na Argélia. Thank you. Voltamos ao Mediterrâneo Setentrional e, antes de alcançarmos Marselha, o maior porto da costa sul-francesa, estamos diante da bela Côte d'Azur, que vai desde Toulon até Menton, na fronteira com a Itália. Aqui desfrutamos da beleza e encanto de lindas praias, como a Promenade des Anglais, Monte Carlo, Villefranche e Saint-Tropez. Sudoeste de Marselha e diante da espanhola Costa Dourada, descobrimos as deliciosas Ilhas Baleares, Maiorca, Menorca, Ibiza e a pequena Formentera. Do outro lado da costa espanhola de Azar, navegamos ao largo de Valência com rumo a norte. Tarragona vem a seguir e o enorme e movimentado Porto de Barcelona aproxima-se. E com ele o fim desta nossa viagem pelo mar Mediterrâneo. Si Manresa és el cor de Catalunya, Montserrat és el cor dels catalans. Si Girona és la nit de la sardana, Barcelona, caliu dels drets humans. Si Ripoll és bressol de Catalunya, Santpedor és bressol del timbaler. I si Lleida és treball i pagesia, Tarragona la immortal Montcasteller. Mil·lenària història, arrels d'un país, fruit de la constància per a subsistir. Sentiment de pàtria, arrels d'un país que lluita amb cultura i els seus cinc sentits. Si Poblet és la pau de Catalunya, Vall de Núria és la pau de l'oració. Si Guifré signa les quatre barres, Verdaguer, vers i poema de llavor. Si Macià és l'avi de Catalunya, en Companys és màrtir per honrar. I si Déu crear la nostra ètnia, Pompeu Fabra, l'horitzó del català. Mil·lenària història, arrels d'un país, fruit de la constància per a subsistir. Sentiment de pàtria, arrels d'un país,